Numéro 44. Où avez-vous mal? Doko ga itai desu ka? J'ai mal ici. Koko ga itai desu. J'ai mal à la tête. Atama ga itai desu. J'ai de la fièvre. Netsu ga arimasu. Il faut que je voie un médecin. Oishasan ni ikanaito. Bon rétablissement. Odaiji ni.